J'y suis arrivé, la gare était déserte. Varsovie au matin, c'est un peu triste à voir. C'est vrai. Capitaliste oblige, je tire un peu de cash pour Cacha. Un gamin au café, lui, vient de planter son nez dans un bol de soupe froide. Sac à dos accosté sur un quai solitaire. J'envoie par téléphone quelques photos loufoques, un peu de mon histoire. Aux amis parisiens qui me disent « Allez, reviens, c'est pas pour toi là-bas. » Tout seul dans le wagon, mon regard qui se jette par la fenêtre. Je regarde Varsava, loin de moi qui s'en va. Nous fendons l'horizon, direction Zakopane. La neige tient le siège de la vieille Pologne. J'imagine soudain, oui, qu'un jour d'autres trains ont dû passer par là. Vieille dame sans dents tire vieille charrette. Telle vague céleste vole un oiseau sans tête. Le jour se lève sur la campagne. Un vieux cheval fou me tient tête de loin. Parfois je rêve que je suis Jivago et qu'elle m'attend là-bas. Sous le vol du corbeau, et qu'elle m'attend là-bas, sous le vol du corbeau. Toujours dans le couloir, une autre silhouette vient joindre sa fumée de cigarette. Non, je ne suis plus seul et d'un œil polonais, il me dit quelques mots. Dans un silence slave, je le trouve beau. Au wagon restaurant sur vieille gazinière, on me cuisine un steak qui saigne la vodka. Il est beau l'ancien temps. Bientôt tout ça sera sous plastique à la morgue. Et ce sera comme ailleurs, un croque-monsieur sans vie dans un wagon sans bruit. Mon ami du couloir me rejoint sans surprise et me tend sans rien dire un thé à l'eau de vie. Sans comprendre un seul mot de l'autre, nous parlons de nos femmes, de nos vies. Voyageurs, nous refaisons nos mondes. Et des gamins surgissent. Ils ont l'œil du futur et le cœur des étoiles. Ici on sourit pas, ou seulement quand on boit. Y'a Bartek, y'a Yannick, y'a Wojtek et y'a moi. Allez chante gamin, que demain sera mieux. Et laisse la vodka faire s'effacer la peine. Ami, toi d'un autre pays, je te suis. Amoureux. Le jour se lève sur la campagne morte. Un vieux cheval fou me parle un peu de loin. Parfois je rêve